L'Istituto Geografico De Agostini presenta Il francese per te. Deuxième niveau. Unité 58. Prise de parole. Je suis terriblement ému. Vous allez écouter et répéter les phrases suivantes sur le théâtre. Et si nous allions au théâtre ce soir? C'est une excellente idée. Tu as le programme? Tu ne veux pas laisser ton manteau au vestiaire? Une seconde. Il faut que je montre nos billets au placeur. Comment? Il n'y a pas d'ouvreuse dans ce théâtre? Mais c'est un théâtre trop petit. Viens, on va chercher nos places. J'ai un billet pour le parterre, et vous? Eh bien, Pierre a un billet pour le balcon et moi pour une loge. Nous avons acheté nos billets au dernier moment. On a pris ce qu'il restait. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas ensemble. Ça ne fait rien, on se retrouvera à la fin de la pièce et on ira manger tous ensemble. Tu oserais aller dans la loge de Delphine Seyrig? Pourquoi pas? Et ce bouquet alors, c'est pour elle? Bien sûr, c'est une artiste merveilleuse. Il faut absolument que je la voie. Je suis terriblement ému, mais j'espère la voir. Ces photos du Tour de France sont magnifiques. Comment as-tu fait pour les prendre? J'étais toujours aux premières loges à l'arrivée de toutes les étapes. Et voilà le résultat. Une place au poulailler? Tu veux me vendre une place au poulailler? Tu plaisantes, j'espère. On ne voit rien, on n'entend rien, et en plus j'ai le vertige moi là-haut. Moi au théâtre, je ne vais qu'aux premières loges. Un jour, moi aussi j'entrerai par l'entrée des artistes, et j'attendrai dans les coulisses que le spectacle, que mon spectacle commence. Un jour, moi aussi j'aurai mon nom sur les affiches. Pardonne-moi, mais ça me rappelle une chanson d'Aznavour, tu sais. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ah, tu rêveras donc toujours, toi. Et c'est drôle, mais ça m'émeut quand même. Sur la scène, il y a le trou du souffleur, le décor, le rideau et les feux de la rampe. Cette affaire t'a vraiment mis sous les feux de la rampe? Tout le monde parle de toi dans les journaux, dans la rue, au bureau, partout. Non, pour moi, cette pièce ne passera pas la rampe. Elle est trop difficile. Et en plus, les acteurs sont mauvais. C'est une opinion personnelle. Moi, elle m'a beaucoup ému. À mon avis, tu t'émeus trop facilement. Prise de parole. Nous aurons droit à un four. Voici maintenant quelques phrases sur les personnes qui travaillent pour le théâtre. Vous allez les écouter et vous les répéterez. Je connais tous les comédiens de cette compagnie théâtrale. Je croyais que tu n'allais jamais au théâtre. Et je n'y vais jamais, mais nous mangeons dans le même restaurant tous les midis. Il faut absolument que je parle au metteur en scène. Pourquoi? Tu n'aimes pas sa mise en scène? Ce n'est pas ça, mais c'est le seul qui puisse convaincre le décorateur de ne pas exagérer. Il y a tellement de meubles sur la scène que les acteurs n'arrivent plus à se déplacer naturellement. Va chercher l'accessoiriste, le costumier et le maquilleur. J'ai besoin de leur parler tout de suite. Ils ne sont pas encore arrivés, monsieur. Comment pas encore arrivés? C'est la troisième fois qu'ils sont en retard. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ils vont m'entendre. Attention, il y a ton critique préféré dans la salle. Ne sois pas ironique, j'ai compris. Sa critique sera tellement défavorable que nous aurons droit à un four. Tu as vu? Quel triomphe! Nous avons été magnifiques. Tu as l'air triste aujourd'hui. Tu as un problème? L'entreprise où je travaille a fait fiasco. Il faut que je trouve un autre travail. Ne me parle pas de cet acteur. J'ai horreur des cabotins de son espèce. Ah non, je refuse de partir en vacances avec Alain. C'est un cabotin et c'est tout. Voici maintenant un petit dialogue sur les mots qui changent de sens quand ils changent de genre. Écoutez-le et répétez-le. Il y a beaucoup de mots qui n'ont pas le même sens au masculin et au féminin? Oui, la mémoire est le mémoire, la mode est le mode, le manche est la manche. Tu en connais d'autres? Le mousse et la mousse, le page et la page, le poil et la poêle. Le voile et la voile, le poste et la poste. Quelle confusion! Pourquoi? Il y a toujours l'article pour déterminer le genre et donc le sens. Ce n'est pas la mer à boire. Prise de parole. Rien de plus nécessaire. Vous allez écouter et répéter les phrases suivantes sur les représentations théâtrales. Le succès de cette pièce est vraiment mérité. L'acteur qui a créé le rôle du personnage principal a brûlé les planches. Tu rêves toujours de monter sur les planches? On ne peut pas commencer une carrière d'acteur à 40 ans. Non, c'était un rêve de jeunesse. Qu'est-ce que tu préfères jouer, une comédie ou un drame? Le genre n'a aucune importance. C'est le rôle qui m'intéresse, le personnage. Arrête de jouer la comédie. Tout le monde sait que tu as toujours détesté Jacques et que tu te moques de ses problèmes comme de l'an 40. C'est inutile alors de jouer le désespoir ou la surprise. Au contraire, tu es vraiment ridicule. Jouer du Molière, jouer du Racine, il n'y a aucune différence. Il faut la même passion, le même feu sacré. Il faut brûler les planches, toujours. Jouer l'avare et jouer Phèdre avec la même foi, jouer Don Juan et jouer le Cid avec le même courage et le même amour. Voilà ce que c'est être acteur. Qu'est-ce qu'on joue ce soir à la Comédie Française? Je ne sais pas. Je téléphone à Hélène. Elle est toujours au courant de tout, elle. Je ne sais pas comment fait Paul. Il faut toujours qu'il crée des rôles magnifiques. Il a une chance incroyable. Monter sur les planches? Non, ce n'est pas pour moi, ça. Je suis trop timide. Et puis, je n'ai pas un physique assez intéressant. Mais il n'y a pas que le physique qui compte dans ce métier. J'ai peur de la foule, j'ai peur du public, j'ai peur des gens. Je m'émeus pour un rien. Tu sais ce que disait le grand Louis Jouvet à propos du théâtre? J'écoute. Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre. Belle définition. Prise de parole. Un véritable coup de théâtre. Vous allez écouter et répéter quelques phrases concernant les pièces de théâtre. Une pièce de théâtre classique est divisée en 5 actes. Et les actes sont divisés en plusieurs scènes. Bien, vous ouvrez votre livre à la page 18. Acte 2, scène 3. Tout le monde est prêt? Adapter un roman à la scène, c'est toujours un travail extrêmement délicat. Nous allons jouer maintenant la première scène de Phèdre. Un peu de silence, s'il vous plaît. Où se déroule la scène de cette histoire? À Rome, à l'époque de Néron. Nicolas est devenu fou. Il m'a fait une scène terrible parce que je ne voulais pas l'accompagner au théâtre. Vous n'allez pas recommencer avec vos scènes de ménage. Voilà la scène du crime, messieurs. C'est ici que notre pauvre Jean a été assassiné. J'ai besoin de deux personnes, deux hommes pour ce dialogue. Il y a des volontaires? Tu as été parfait dans le monologue de Don Juan. Bravo! Je n'arriverai jamais à apprendre par cœur ce monologue. Il est beaucoup trop long pour moi. Ne t'inquiète pas. Il y a toujours quelqu'un dans le trou du souffleur. Le dénouement de cette pièce a été un véritable coup de théâtre. Vous connaissez l'intrigue de la pièce qu'on joue à la Comédie Française? Gérard Depardieu, voilà un acteur qui sait convaincre. J'ai fait plus de 100 km exprès pour voir cet acteur Et tu me dis que le spectacle a été annulé? J'espère aller au théâtre le plus souvent possible quand j'habiterai à Paris. Le théâtre, c'est ma passion. Non, je n'ai pas encore mon billet pour la représentation de vendredi. Je passerai le prendre demain matin. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un public applaudir pendant plus de 20 minutes. 20 minutes. Tu te rends compte? Tu veux monter sur les planches? Alors, écoute bien mon conseil. Vouloir, c'est pouvoir. Bonne chance. Écoute. Arrête de faire le guignol. Vous allez écouter les phrases suivantes, formées à partir de quelques expressions imagées. J'adore lire le courrier des lecteurs dans les revues féminines. C'est incroyable. Toutes ces lectrices avec leurs problèmes cornéliens. Je me demande parfois si elles ne les inventent pas, pour le plaisir de lire ensuite leur nom sur Marie-Claire ou elle. À la scène comme à la vie. C'est vrai, malheureusement ou heureusement, c'est bien souvent la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as maintenant de vouloir toujours te mettre en scène? Tu es insupportable. Arrête de faire le guignol. Tu ne vois pas que tu es en train de fatiguer tout le monde? Faire le guignol, ça va bien 5 minutes, mais je trouve que tu exagères. Tout le monde était triste. Il fallait bien quelqu'un pour animer la soirée, tu ne crois pas? Oui, mais toi, tu cherchais à te mettre en scène, rien d'autre. Mais non. Mais si, et je ne suis pas la seule à le penser. Demande à Marie, demande à Denis, demande à tous les autres et tu verras. J'exagère maintenant. Un cabotin, voilà ce qu'il disait. Pierre n'est qu'un cabotin. Fais attention la prochaine fois, sinon tu risques de perdre tous tes amis. Conversation. À l'époque de Sophocle. Ah, si nous étions nés il y a quelques siècles, nous aurions pu jouer dans ce théâtre grec. Vous vous rendez compte? C'est encore possible. Il y a beaucoup de représentations l'été ici. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Le public, par exemple, ce sont des touristes. Des touristes, et c'est tout. Non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui viennent seulement pour le spectacle. Certains font même plusieurs centaines de kilomètres exprès. Oui, d'accord. Mais à l'époque de Sophocle, d'Eschyle et d'Euripide, le théâtre, c'était bien autre chose. De toute façon, j'aimerais bien participer un jour à un festival et jouer dans un décor aussi fascinant. Ça doit être une expérience inoubliable. Il faudrait en parler à notre metteur en scène. Il pourrait organiser quelque chose pour l'année prochaine. Ce serait merveilleux. Alors, vous êtes tous d'accord? Rendez-vous sur cette scène dans un an. Vous allez voir, on fera un triomphe. Ah, si nous étions nés il y a quelques siècles, nous aurions pu jouer dans ce théâtre grec. Vous vous rendez compte? C'est encore possible. Il y a beaucoup de représentations l'été ici. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Le public, par exemple, ce sont des touristes. Des touristes, et c'est tout. Non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui viennent seulement pour le spectacle. Certains font même plusieurs centaines de kilomètres, exprès. Oui, d'accord, mais à l'époque de Sophocle, d'Eschyle et d'Euripide, le théâtre, c'était bien autre chose. De toute façon, j'aimerais bien participer un jour à un festival et jouer dans un décor aussi fascinant. Ça doit être une expérience inoubliable. Il faudrait en parler à notre metteur en scène. Il pourrait organiser quelque chose pour l'année prochaine. Ce serait merveilleux. Alors, vous êtes tous d'accord? Rendez-vous sur cette scène dans un an. Vous allez voir, on fera un triomphe. Une mauvaise pièce. Quel fou! Mais comment font-ils, ces acteurs, pour rester sur la scène et saluer encore, malgré les injures et les sifflets? Ça fait partie du métier. Il en faut du courage. Oui, mais c'était à prévoir. Mauvaise mise en scène, décor ridicule. Ils ne sont pas stupides. Ils devaient bien s'y attendre. Et alors, pourquoi l'ont-ils joué, cette pièce? Ils ont signé un contrat, et un contrat, ça se respecte. Moi, à leur place, j'aurais inventé quelque chose. Je ne sais pas. Une grippe, un problème de famille. N'importe quoi. Mais je peux t'assurer que ce soir, je ne serais jamais venue. Ça ne se fait pas. Et puis, je crois bien qu'une des actrices de la troupe s'est fait remplacer. Tu vois, quelqu'un d'autre y a pensé. Et il continue à saluer. Un bon acteur doit savoir refuser de jouer une mauvaise pièce. On doit avoir du flair dans ce métier. Sinon, c'est la fin. Viens, on s'en va. Pourquoi ? Ce genre de spectacle ne me plaît pas du tout. Allez, viens. Quel four ! Mais comment font-ils, ces acteurs, pour rester sur la scène et saluer encore malgré les injures et les sifflets ? Ça fait partie du métier. Il en faut du courage. Oui, mais c'était à prévoir. Mauvaise mise en scène, décor ridicule, ils ne sont pas stupides. Ils devaient bien s'y attendre. Et alors, pourquoi l'ont-ils joué, cette pièce ? Ils ont signé un contrat, et un contrat, ça se respecte. Moi, à leur place, j'aurais inventé quelque chose, je ne sais pas. Une grippe, un problème de famille, n'importe quoi. Mais je peux t'assurer que ce soir, je ne serais jamais venue. Ça ne se fait pas. Et puis, je crois bien qu'une des actrices de la troupe s'est fait remplacer. Vois, quelqu'un d'autre y a pensé. Et il continue à saluer. Un bon acteur doit savoir refuser de jouer une mauvaise pièce. On doit avoir du flair dans ce métier. Sinon, c'est la fin. Viens, on s'en va. Pourquoi ? Ce genre de spectacle ne me plaît pas du tout. Allez, viens. Unité 59. Prise de parole. Ne hausse pas le ton. Vous allez écouter et répéter les phrases suivantes. Elles concernent quelques états d'âme dans lesquels nous pouvons nous trouver. Tu approuves ce que vient de dire Pierre ? Moi, pas du tout. Moi non plus. Mais j'ai toujours désapprouvé les arguments qu'il a l'habitude d'utiliser pour essayer de nous convaincre. Quel enthousiasme, quelle exaltation! Tu ne penses pas que tu exagères? Ça alors, pour une surprise, c'est une surprise. Je suis stupéfaite. J'étais convaincue que la politique ne t'intéressait pas. Tiens, j'ai appris avec stupeur que vous ne vous intéressiez pas à l'écologie. Mais je vois qu'on m'avait mal informé. Jean a prononcé un discours tellement beau que nous étions tous frappés de mutisme. Et les gens qui ont voulu répondre ne faisaient que bafouiller et bégayer. Tu te rends compte ? Je te l'ai dit mille fois. Prépare-toi quand tu dois parler en public. Il ne faut pas que tu bégayes, enfin, même si tu as peur. Tu étais présent au discours d'inauguration ? Oui, malheureusement d'ailleurs, parce que je n'ai éprouvé que de l'amertume et même de l'exaspération. Et moi du dégoût. Tu ne vas pas te fâcher contre moi pour si peu, voyons. Je ne suis pas en colère, qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais je sens que tu vas bientôt te mettre en colère. Je te connais. Nous sommes dans une situation fâcheuse. Nous n'aurions pas dû venir. C'était une fâcheuse idée. Tout cela est bien fâcheux. Ne hausse pas le ton avec lui. Il va sortir de ses gonds si tu continues. Par exemple, je suis hors de moi et je te jure qu'un jour ou l'autre, je finirai par l'insulter, par l'injurier même. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il s'est mis à vociférer et il en a dit des vertes et des pas mûres à tout le monde. Mon Dieu, je me demande comment cette histoire va finir. J'en ai marre, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol. C'est la dernière fois que je participe à une réunion de famille. Tu peux en être sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est super une réunion de famille. C'est vrai, c'est chouette. On s'amuse. On s'amuse? Ah bon? Prise de parole. Farouche et assez bourru. Vous allez écouter quelques phrases sur certains caractères. Il faut savoir garder son self-control dans toutes les situations. C'est un des secrets de la réussite, le contrôle de soi. Fais attention avec lui. Il a un caractère introverti. On ne sait jamais ce qu'il pense. J'aime bien Thierry. Il a un caractère extroverti. Il est très sociable, très affable aussi. C'est vraiment une personne délicieuse. Tu as vu le nouveau directeur? C'est un homme plutôt farouche et assez bourru. Je suis beaucoup trop timide pour répondre à quelqu'un qui vient d'être désagréable avec moi. Je préfère m'en aller. Cet emploi vous intéresse? Vous savez que vous serez en contact avec le public. Il faudra avoir beaucoup de tact, de la réserve aussi. C'est très important. J'ai trop de pudeur pour oser lui avouer ce que je ressens pour lui. Apprends à être un peu plus arrogante. Ça te fera du bien et tu t'apercevras que ça plaît parfois beaucoup aux hommes. Courage. Je trouve que depuis quelque temps, tu es devenu très cynique et ça ne me plaît pas du tout. Quand je suis embarrassée et mal à l'aise, alors je deviens gauche et maladroite. Je trébuche partout et je commence à bafouiller. Et il n'y a rien à faire, tu sais. Chaque fois, c'est la même chose. Entrez et mettez-vous à l'aise. Mon mari va bientôt vous recevoir. Fais tes courses à ton aise. Moi, je m'occupe des enfants. D'accord? Mon nouveau travail me permet de vivre à l'aise. Je n'ai pas à me plaindre. Votre enfant est peut-être un peu trop arrogant, mais il ne faut pas en faire un drame. Ça lui passera. Vous en parlez à votre aise. J'aimerais bien visiter le musée archéologique et puis faire un tour dans les magasins de la ville. À votre aise, madame. Il faut penser à soi, d'accord, mais il ne faudrait pas devenir égoïste. Il ne pense qu'à lui, elle ne pense qu'à elle, et moi je suis sûr que leur union ne va pas durer longtemps. Si tu avais vu Nicolas, il était hors de lui de colère et de dégoût. Vraiment, se mettre hors de soi pour un rien, ça me dépasse. Tu connais le proverbe, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors, fais le travail toi-même, et tu ne te fâcheras plus contre moi. Prise de parole. Les mauvaises langues. Voici maintenant quelques phrases sur l'hypocrisie. Vous allez les écouter avec attention et vous les répéterez lentement. Personne n'est parfait et je n'ai aucune honte à avouer que moi aussi j'ai beaucoup de défauts. Et puis tous les défauts sont avouables, n'est-ce pas? J'ai une faiblesse pour les gâteaux. Moi ma faiblesse c'est le Saint-Honoré. Si je ne me retenais pas, j'en mangerais tous les jours. Anne est une personne exquise. Oui, mais elle a un travers. Elle a la mauvaise habitude de conduire trop vite, beaucoup trop vite. Avoir des défauts, d'accord, c'est humain. Mais la cigarette et le vin, moi, j'appelle ça des vices. L'hypocrisie règne, à ce que je vois. Vous passez tout votre temps à casser du sucre sur le dos des gens, vous riez à leurs dépens. Et quand vous les rencontrez, vous leur parlez, vous leur souriez comme s'il ne s'était rien passé. Vous me dégoûtez. Tu vis encore aux dépens de ta famille, à 30 ans? J'en ai assez de Paul. Non seulement ça fait 3 ans qu'il vit à mes dépens, mais en plus, il a un caractère impossible. J'ai appris à mes dépens qu'Hélène n'était qu'une petite hypocrite. Fais attention, ne la fréquente pas. Ne lui raconte rien ou il t'arrivera la même chose. Je suis désolé, mais pour moi, une personne qui parle à mots couverts, qui passe son temps à insinuer, à médire et à calomnier, est à éviter comme la peste. Je n'ai jamais dit qu'il fallait que tu maudisses ta collègue de bureau, mais que tu fasses extrêmement attention à elle, c'est tout. Mon concierge est une mauvaise langue incroyable. Il sait tout sur tout le monde, et il passe ses après-midi en commérage et ragots de toute espèce. On jase beaucoup sur ton compte depuis que tu es devenu maire de la ville. Méfie-toi. Prise de parole. Éclair à la vanille. Vous allez écouter et répéter quelques phrases sur les 7 péchés capitaux. Quelle différence y a-t-il entre les mots péché, péché et péché? Péché, c'est-à-dire commettre un péché, n'a pas d'accent circonflexe. Le verbe pêcher, qui signifie pratiquer la pêche, et le substantif un péché, c'est-à-dire l'arbre qui produit les pêches, en ont un sur le premier E. Et quels sont les 7 péchés capitaux? Alors il y a l'avarice, la colère, l'envie, l'orgueil, la paresse, la gourmandise et la luxure. Et comment appelle-t-on les personnes qui commettent ces péchés? Ce sont des personnes avares, coléreuses, envieuses, orgueilleuses, paresseuses, gourmandes et débauchées. C'est le 4e éclair à la vanille que tu manges en 2 minutes. Attention, tu es en train de pécher par gourmandise. Votre texte sur la face cachée de la lune est très beau, très poétique, mais il pèche contre la logique. Quel est ton péché mignon? Les crêpes au Grand Marnier. Ah, je donnerais n'importe quoi pour une crêpe au Grand Marnier, moi. Tout le monde a un péché de jeunesse plus ou moins avouable. Il ne faut pas en faire un drame, voyons. Allez, un peu de courage. Raconte-moi ce qui s'est passé hier soir entre ton frère et toi. Tu sais bien qu'un péché avoué est à demi pardonné. Je ne veux pas que mon fils soit orgueilleux, tu as compris? Alors maintenant, tu vas présenter tes excuses à ta sœur et on n'en parle plus. Je ne pense pas être orgueilleux. Un peu distant peut-être, mais pas orgueilleux. Non, vraiment pas. Moi, au contraire, je suis très heureux d'être orgueilleux. Je l'avoue et je n'en ai aucune honte. Écoute. Rouge comme une tomate. Voici quelques phrases formées à partir d'expressions imagées. Quand il a commencé à me parler de sa mère, à me dire qu'elle cuisine mieux que moi, qu'elle s'occupe mieux de la maison que moi, et en plus qu'elle s'habille mieux que moi, je me suis mise dans une colère bleue ou noire, comme tu veux. J'ai vu rouge et je l'ai mise à la porte. Elle s'est fâchée tout rouge et tu sais pourquoi? J'avais oublié de lui téléphoner. Tu te rends compte? Quel caractère! J'étais en train de préparer les valises pour les vacances et il est devenu blême de colère parce que j'avais oublié son pull préféré. C'est un enfant, je te dis. Je suis d'une humeur noire aujourd'hui. Pourquoi? J'ai oublié mes lunettes au bureau, j'ai eu une contravention pour stationnement interdit et j'ai perdu les clés de l'appartement. Tu n'aurais jamais dû être aussi franche avec Jacques. Pourquoi? Quand on aime bien ses amis, il faut être sincère avec eux. Et puis, il ne s'est pas vexé. Non, mais tu ne t'es pas rendu compte qu'il riait jaune? Et qu'ensuite, il est devenu rouge comme une tomate? Quand le patron a déchiré tous les plans que nous lui avions préparés pour la construction du nouveau musée, personne n'a réagi. Personne n'a osé. Nous étions tous verts de peur. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs, celui-là. Et je suis bien contente qu'il ait changé de bureau. On va pouvoir enfin respirer. Bien sûr que je connais Guy. Il est vaniteux comme un paon et fier comme un pou. Il prend la mouche pour rien et quand il monte sur ses grands chevaux, je peux t'assurer que même les vitres en tremblent.